Senti le podium, on va dire qu'on s'est tremblé. Et monsieur qu'on est, non faire le plein, faire le plein. Monsieur pas compice. Ni pas Texaco, ni pas Shell, ni pas Esso. Et pompe gazoline côté lié à Moko. Petro Canada. Je connais le bagage basol. Va posséder basol en mini. Aïe aïe aïe. Zach Rival qui les papa. J'ai dit bon, chérie, je ne vais pas le docteur parce que je ne suis pas capable. Comme on a dit, ben, dégage-moi avec le docteur, m'abtonne. Même chérie, je vais le docteur, le cas dit, sois senti. Il dit donc, je ne suis pas bon. Je suis sorti tout le temps des dames crasées. Je suis sorti tout le temps des dames crasées. Donc là, dit bon, je vais le prescrire. Mais ça m'a prescrit là, c'est pour prendre trois fois par jour. Mais soit pour. Ou après l'ambi ou grené, grenadia, carotte, grenadine, cachimant Québec. C'est pour tout le bagage, c'est ça pour sauver ou ça passant par la nuit. Didot, c'est pas le tout nous. Parce que l'autre, quand mon il souffre, il est content. Il est pour l'après, les migrants ont fait de vitesse supérieure pour la demander. Vitesse supérieure pour la pandémie. Et ma balle vitesse supérieure quand même. Et ma balle nous, dimension. Vitesse supérieure. Et bien vitesse supérieure, c'est 48 tourit, 5 ferros, bonne sous-côté, des calamba, blocs au boy. C'est alors. Monsieur commence à prendre médicaments correctement. Et puis, vous jouez comme une relève, monsieur dit, chérie, venez essayer nous. Venez essayer nous. Mais c'est à ça que je vis dans mon nom. Gazoline a tout battu, gazoline gaille trop plein. A fait, bagay, ça que mon après l'ambre. On a dit, oui, oui, chérie, t'as pas femme, soit femme là. Plutôt acheter une iguoise, on s'assine à ma coupe d'iguoise. Plutôt battre ma veste dans l'eau. Barababab encore. Barababab. J'en ai trois du point.